Comme chaque nuit, je n'ai pas pu dormir, je n'ai pas cessé de me demander où commencer ma vie. J'ai la rage qui me souffle, me dévisage, comme un message dans mon paysage, à coups de page de mots perdus en mirage. Rejoins mon rivage. À chaque jour suffit sa nuit, mes yeux se lèvent sur un monde d'envie, sur un monde d'envie. J'ai la rage qui me souffle, me dévisage, comme un message dans mon paysage, à coups de page de mots perdus en mirage. Rejoins mon rivage. Rejoins mon rivage.